Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais pas longtemps que je t'ai pas vu. Tu es souvent dans mes pensées, dès le début tu m'as pris. M-A-R-I-O-N, cette chanson comme un poème. M-A-R-I-O-N, je courrai à perdre haleine. Je t'aime. J'attends souvent un SMS, mais c'est tout ce qui importe. Malgré tout ce que tu m'apportes, oh, comme je t'aime, M-A-R-I-O-N. Tes beaux yeux qui m'en sorcellent, M-A-R-I-O-N. Cette chanson comme un poème, M-A-R-I-O-N. Je courrais à perdre haleine. Elle est toute naturelle, trop bon d'être avec elle. Oh, comme je t'aime, M-A-R-I-O-N. C'est vos yeux qui m'en sorcellent, M-A-R-I-O-N. Cette chanson comme un poème. M-A-R-I-O-N. Cette chanson comme un poème, M-A-R-I-O-N. Je courrais à perdre haleine, M-A-R-I-O-N. M-A-R-I-O-N. My head.